pas la peine d'en parler. Si parler c'est mourir, faut tout jeter, faut rien garder, faut plus la retenir. Force pas ton sourire, ça ne veut plus rien dire. Pas la peine de tricher sur ton manque de feeling. Tout est marqué, y'a qu'à regarder. Tu tremblais, t'es pas clean. N'essaie pas de mentir, ça ne veut plus rien dire. T'es plus rien qu'une ombre, pour te suivre jusqu'au fond de ta tombe. Y'a pas de honte, non, pas de honte pour une larme qui tombe. Elle savait les mots tendres, les mots qu'on aime entendre et qui restent gravés. Elle, elle savait les mots tendres, ce que t'aimais entendre et qui t'ont fait prisonnier. Pas la peine de te planquer dans le noir d'un vieux parking, pour pas montrer, pour oublier, t'es au fond de la mine. Meilleur est le pire, ça ne veut plus rien dire. T'es plus rien qu'une ombre, pour te suivre jusqu'au fond de ta tombe. Y'a pas de honte, non, pas de honte pour une larme qui tombe. Elle savait les mots tendres, les mots qu'on aime entendre et qui restent gravés. Elle, elle savait les mots tendres, ce que t'aimais entendre et qui t'ont fait prisonnier. Faut de la haine pour aimer quand l'amour fait souffrir, mais c'est du passé et les années la font s'évanouir. Qu'elle pourrait revenir, ça ne voudrait rien dire.